طيب بسم الله الرحمن الرحيم donc comme prévu inshallah on va rentrer dans l'explication de cet ouvrage que nous avons intitulé Arba'u Qawa'id min Minhaji Ahli Sunnati wal Jama'a, intitulé Quatre règles faisant partie de la voie des partisans de la tradition prophétique et du groupe, c'est-à-dire le groupe sauvé. Naam. Donc, on va commencer aujourd'hui l'explication concrète de cet ouvrage. Bismillah azza wa jalla. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فأولا بدأت هذه الرسالة بالبسملة. Donc tout d'abord, j'ai commencé cet écrit par ce qu'on appelle la basmala. Et la basmala, c'est le fait de dire ou d'écrire Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Naam. Wa bada'tu biha les umur. J'ai tout d'abord commencé cet écrit par cette évocation pour plusieurs raisons. Awalan, li'annahu huwa alladhi سخر لي الأشياء ولولا تسخيره لي الأشياء ما استطعت أن أسخرها لنفسي. Tout d'abord parce que c'est lui qui a assujetti à moi les choses qui m'ont aidé à atteindre cette affaire et à pouvoir parvenir à rédiger cet écrit. Donc c'est lui qui m'a assujetti les moyens qui m'ont permis d'en arriver là. Et si ce n'était pas par sa permission, je n'aurais pas pu moi-même assujettir à ma propre personne, à mon propre avantage, ces moyens qu'il m'a accordé. والله سبحانه وتعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Ne voyez-vous donc pas, Allah سبحانه وتعالى dit, selon une traduction approximative, ne voyez-vous donc pas qu'Allah est celui qui a assujetti pour vous les cieux et la terre et qui vous a comblé de bienfaits tant intérieurs qu'extérieurs. ويقول جل في علا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Pour celui qui veut parmi vous suivre le droit chemin, et certes, vous ne pourrez le vouloir que si Allah le veut, lui le Seigneur de l'univers. وَيَقُولُ جَلَّ فِي عُلَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Certes, vous ne les avez pas vaincus ou tués, mais cependant, c'est Allah qui l'a fait. Tu n'as certes pas lancé, mais c'est Allah qui a lancé pour toi. Non. Tu n'as certes pas lancé ou tiré une quelconque fléchette, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, c'est-à-dire c'est Allah qui t'en a donné la possibilité. فهذه الأدلة تدل على أن الله هو الذي ييسر الخير ويوفق العبد إليه وأنه هو الذي سخر له ما يعينه على البر والتقوى والعلم والعمل والصلاح. Donc ces preuves que nous venons de citer du Coran nous indiquent clairement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite le bien. Et c'est lui qui permet à son serviteur la réussite en cela. Et c'est aussi lui qui assujettit pour son serviteur les moyens qui lui permettront d'atteindre la bienfaisance, la crainte, la science et le fait d'œuvrer avec celle-ci. Naam. Wa kama la yakhfa 'ala al-kathir minkum. البدء بالبسملة فيه موافقة لكتاب الله عز وجل. Et comme cela n'échappe à personne d'entre vous, inshallah, le fait de commencer mon écrit par l'évocation de la basmala, il y a en cela une conformité avec le livre d'Allah azza wa jal. Fa ليس هناك سور من السور أو ليس هناك سورة من السور إلا وهي مفتتحة بالبسملة ما عدا سورة التوبة. Donc il n'y a pas une sourate du Coran sans que on trouve que elle est précédée par la basmala. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. À l'exception bien sûr de sourate at-Tawbah. نعم. وكذلك لسنة رسول الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Et aussi il y a une forme de conformité avec la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام كما في رسائله إلى الملوك والأمراء, comme c'était le cas lorsque il dictait des lettres qu'il envoyait aux rois et aux empereurs de son époque. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim min Muhammad ibn Abdullah rasulihi ila Herakl Azim ar-Rum. Comme dans cette lettre qu'il a envoyée à Herakl, il la commence en disant la basmala, bismillahir rahmanir rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de la part de Mohammed, fils de Abdallah, et son messager, vers Héraclius, le grand empereur romain. Naam. Bal, hada laysa faqat muwafaqatu, laysat muwafaqatan, ou muwafaqatan, لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فحسب, بل هي موافقة لسنن الأنبياء كنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام, كما جاء في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Et on ira même plus loin, ce n'est pas qu'une tradition de notre prophète alayhi salatu wa salam, mais c'est la tradition d'autres prophètes comme le prophète Suleyman, comme cela est venu dans surat Naml, les fourmis, où il est évoqué qu'il a commencé un écrit pour la reine de Saba en commençant par dire que cette lettre provient de Suleyman et qu'elle est au nom de d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Naam. وكذلك فيه موافقة لطريق السلف أو لطريقة السلف الصالح. فالإمام أحمد بن حنبل بدأ يعني مصنفه أو كتابه المشهور المسند بدأه بالبسملة وكذلك الإمام البخاري بدأ صحيحة بالمسملة. Et aussi, il y a en cela une conformité avec la voix des pieux prédécesseurs, à l'image de l'imam Ahmed, le noble et grand imam bien connu, hein, qui a commencé son livre, le Musnad de l'imam Ahmed. Il l'a commencé par l'évocation de la basmala. Il en est de même pour l'imam al-Bukhari, qui a commencé son recueil authentique par بسم الله الرحمن الرحيم نعم وكذلك فيه مخالفة لما هم عليه أهل الكفر لما هم عليه أهل الكفر والإلحاد et aussi il y a dans le fait de commencer par la basmala une opposition totale à يعني la voie qu'emprunte les mécréants et ceux qui s'opposent à la religion islamique. Car eux ne commencent pas leur écrit par le nom d'Allah Azza wa Jal. Naam. Naam. Ala kulli hal, yani al-basmala, fiha, fil haqiqa, طلب هي طلب القبول والإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال. Et en réalité, le fait de commencer par la basmala, c'est une demande d'acceptation que l'on fait à Allah عز وجل. Et c'est une demande aussi que l'on voue à Allah عز وجل afin qu'il nous rende sincères dans nos paroles et dans les œuvres que nous allons entreprendre après l'avoir dite ou après l'avoir écrite. Naam. Fa fiha al-khair wal-baraka wal-isti'ana 'ala itmam al-'amal. Donc dans cette évocation, il y a énormément de bien. Il y a énormément de bénédictions. Et il y a une forme implicite de demande d'aide que l'on voue à Allah Azzawajal pour qu'il nous aide à parvenir à terminer et à parachever ce que nous entreprenons. Naam. Fayambari lil muslim umuman qawlu dhalik 'inda bid'i ayyi 'amalin ham. Donc, il convient à tout musulman de commencer par cette évocation lorsqu'il s'apprête à accomplir une œuvre ou une chose importante. Naam. Fa al-basmala ya ikhwan la tazidu al-muslim illa khayra wa baraka wa birran wa hifdhan ورعاية وعناية من الله جل وعلا. Car en réalité, la basmala ne rajoute aux musulmans que du bien, que de la bénédiction, que de la bienfaisance, que de la protection, que de que de l'attention d'Allah Azza wa Jal sur lui et sur ce qu'il entreprend. Naam. وقد يشعر القائل بهذه الألفاظ أو نعم بهذه الألفاظ بإلهام الله له ببعض الكلمات المباركات التي لا يكاد يقولها عادة. Il se peut que celui qui commence un discours ou un écrit par l'évocation d'Allah Azza wa Jal, par la basmala, il constate qu'Allah lui inspire de bonnes paroles, de bonnes œuvres, à faire ou à dire, ou à même écrire, qui en temps normal ne sont pas dans son habitude. Qui en temps normal ne sont pas dans son habitude. Naam. Fa'indama يقول العبد مثل هذا الذكر افتتاحا يطمئن. Et il faut savoir que lorsque le serviteur commence un projet ou une affaire importante par cette invocation, le voilà qui soudainement s'apaise. Il s'apaise. وهذا مصداق قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et ceci est en accord avec la parole d'Allah lorsqu'il dit, selon une traduction approximative, et ceux qui croient et dont la poitrine s'apaise avec le rappel d'Allah, n'est-ce pas que qu'avec le rappel d'Allah les poitrines ou les cœurs s'apaisent. نعم و يعني القائل بهذه يعني الكلمة يعتقد أن الله عز وجل سيحفظه من كل شر، وهذا من نتائج ذكر الله عز وجل، وهذا من نتائج ذكر الله عز وجل كما جاء في الأذكار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماوات والأرض في السماوات ولا في الأرض. Celui qui dit cette évocation, il a la ferme, ou il doit avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger ou va protéger son œuvre de tout mal, car c'est le strict résultat qui découle de l'évocation du nom d'Allah Azza wa Jal, comme cela est venu dans certains ahadiths du prophète évoquant les adhkar, hein? Comme lorsqu'il dit Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fi as-samawati wa la fi al-ard, par le nom d'Allah, celui avec les noms, avec l'évocation, ou non, celui avec qui l'évocation du nom ne peut nuire, ou personne ne trouve nuisance en évoquant son nom dans les cieux et sur terre. Non. فإذن يحصل بها البعد عن نزغات الشيطان ومضالته ومغرياته. Donc, vous comprendrez que en évoquant cette parole en début de discours ou en début d'écrit, le serviteur s'éloigne des insufflations du diable et de son égarement et de sa tromperie. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما فيه ذكر الله وما ولاه عالم وعالم ومتعلم. Et certes, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit, n'est-ce donc pas que ce bas monde est maudit et que tout ce qui s'y trouve et maudit également, à l'exception de ceux qui comportent l'évocation d'Allah Azza wa Jal. À l'exception de ceux qui comportent l'évocation d'Allah Azza wa Jal, et à l'exception de ses alliés, ainsi que du savant et de celui qui... à l'exception du savant et de l'apprenti. Donc, voici les choses qui ne sont pas maudites dans ce bas monde, ce qui comporte l'évocation d'Allah, ceux qui sont considérés comme étant les alliés d'Allah, ainsi que un alim et un muta'allim, ainsi que un savant, c'est-à-dire en sciences religieuses, et un apprenti, toujours en sciences religieuses. Wal maqsoud min al-hadith ya ikhwan annaha ya'ni ad-dunya mub'ida عن الله عز وجل والدار الآخرة والدار الآخرة. C'est-à-dire que Le but visé de ce hadith, c'est que la dunya, c'est quoi son caractère maudit? C'est-à-dire que cette dunya-là, cette vie d'ici-bas, elle éloigne le serviteur d'Allah Azzawajal et de la pensée sur la vie future. فعندما يقال مثل هذا الذكر بصدق وإخلاص صار بإذن الله عز وجل ما بعده محفوظا من الضياع واللعنة. Donc lorsque l'on dit ce genre de propos avant un discours ou un écrit, voilà que ce qui précède cette évocation comme œuvre se voit protégée par Allah Azza wa Jal de toute malédiction ou de toute mauvaise considération. Naam. وقد يلتقطه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Et il se peut également que celui qui entend les propos qui vont précéder, ou qui vont succéder plutôt, les propos qui vont succéder à la basmala, profite énormément de ces paroles. وهذا كما جاء في الحديث ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمع فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah déposera une lumière sur le visage de celui qui entend un de mes propos, une de mes paroles, qu'il la mémorise et qu'il la transmet à autrui comme il l'a mémorisé. » Déjà là, entre parenthèses, on fait une petite annotation brève sur le mérite de mémoriser des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Allah dépose une lumière sur le visage de celui qui mémorise la parole du prophète alayhi salatu wasalam et qui la transmet. Il y a en soi un très grand mérite dans le fait de transmettre la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Mais ce qui nous importe du hadith, c'est ce qui vient après lorsqu'il dit فَرُبَّ حَامِنِ فِقْحٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ. Il se peut que quelqu'un apporte une science à quelqu'un qui est encore plus savant. Ça veut dire que des fois, on peut venir avec un écrit, on peut venir avec une parole, et lorsque quelqu'un de science l'entend, il en tire profit encore plus que celui qui a, qui a évoqué cette parole en premier lieu. Non. فكم من كلمات لا يدري قائلها أو كاتبها أين ستصل وماذا سوف تنتج من خير وصلاح. Combien de paroles peuvent être dites sans que leurs auteurs ne savent où elles vont aller et où l'écho de ces paroles va s'arrêter. Non. Personne ne sait en vérité lorsque il dit une bonne parole, jusqu'à où Allah subhanahu wa ta'ala va mener cette parole-là et ce qu'elle, le résultat qu'il y aura derrière cette bonne parole. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul kama ومعلوم عند الكثير إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا، لا يلقى لها بالا إلا يرفعه الله بها درجة. يعني وهذا الحديث معروف. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, le serviteur peut parler d'une parole qui est en accord avec l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Hein? » Il parle d'une parole qui est en accord total avec ce qu'Allah aime et agrée. Et lui, pourtant, il ne considère pas, il ne donne pas de valeur à cette parole. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève de degré en degré de par celle-ci. نعم ومن أعظم نتائج أو من أعظم الأسباب لذلك البدء بالبسملة donc fait partie des plus grandes causes qui mènent à ce genre de mérite, c'est-à-dire de parler d'une parole qui va dans l'accord et dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal et qui nous élève auprès de lui de degré en degré. Parmi ces causes, il y a le fait de commencer par la basmala. Et c'est dire, Yahuan, la basmala, c'est pas que lorsqu'on en écrit, même lorsque tu veux parler avec ton frère, tu veux le conseiller sur une chose très importante, commence par la basmala. Satajid min wara idalika barakatan azima wa rubbama iqbal wa surur min akhik. وكذلك بين الزوجين خاصة عند الشجار وخاصة عند النزاع. C'est bien d'utiliser la basmala même lorsque l'on parle entre frères ou les sœurs entre sœurs, lorsqu'elles doivent se conseiller, lorsqu'elles doivent se dire des choses importantes, qu'il commence par la basmala. Même entre l'homme et sa femme. Surtout lors des divergences, lors des disputes. S'il y a une parole à dire, alors qu'elle soit dite en succédant le nom d'Allah Azza wa Jal, d'abord, ou l'évocation du nom d'Allah Azza wa Jal, par la basmala. Naam. Inch'Allah, le prochain cours, on rentrera dans la muqaddimah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره et on verra quelques annotations très profitables inshallah sur le sujet. طيب